السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كوكوتيني كتاب التوحيد غزل إكسبيكاتيف دي شغل فوزان حفظه الله تعالى، الملخص في شرح كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. شغل فوزان كتب الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى الكونتيني سون ليفر ان ديزون شابيتر دو سكي ايتي رابورتي سور لوستانتاسيون الرياء. Et on va voir que en arabe l'ostentation il est représenté par deux termes qui sont ar-riya et sum'a, et il y a une différence entre les deux. Et donc il dit chapitre de ce qui a été rapporté sur ar-riya, l'ostentation. Et la parole d'Allah dans la traduction du sens est dit: je suis en fait un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, jusqu'à la fin du verset. Cheikh al-Fawzan يقول حفظه الله تعالى: تمام الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc c'est la fin du verset qui est le verset 110 de sourate Al-Kahf. Dans la traduction du sens est: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des actions vertueuses. Et on va parler des actions vertueuses inchallah et des conditions d'acceptation de ces actions vertueuses. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Cheikh al-Fawzan, حفظه الله تعالى, il dit: مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أنه لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه ناسب أن ينبه عليه المؤلف في هذا الباب. Le caractère opportun de ce chapitre au sein du livre de l'unicité est que comme l'ostentation, ar-riya, déroge à l'unicité et annule l'action à laquelle elle est liée, il convenait que l'auteur attire l'attention à ce sujet dans ce chapitre. Et il dit, Cheikh al-Fawzan, en expliquant les termes qui sont rapportés ici, il dit: ar-riya'u masdaru ra'a mura'atan wa riya'an mura'atan ورياء وهو أن يقصد أن يرى الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. C'est quoi الرياء? من la définition de الرياء, bien c'est le radical ou la racine du verbe راء مراءة ورياء. Et c'est que l'individu est pour intention que les gens le voient faire une action d'une certaine manière, alors que lui cache dans son cœur une autre manière. Et ici, on voit la différence entre ar-riya ou as-sum'a. C'est qu'ar-riya, c'est lié à la vue, tandis que sum'a, c'est lié à l'ouïe. C'est-à-dire que quand quelqu'un, quand on nous en préserve, a cet type d'ostentation qui est ar-riya, c'est-à-dire qu'on va le voir dans un instant, inshallah, comme va l'expliquer Cheikh al-Fawzan, c'est qu'il enjolive son action. En quoi? En la rendant meilleure, en l'améliorant, en l'allongeant, etc. Parce qu'il sait qu'on l'observe, qu'il est vu. Et donc c'est lié au sens de la vue. On dit que suma, c'est que la personne enjolive ou fait des bonnes actions, etc. pour qu'on dise du bien sur elle et donc qu'il entende ce bien sur lui. Donc c'est lié au sens de l'ouïe ou du fait d'entendre. D'accord, donc c'est pour qu'on dise du bien dans ce sum'a, et c'est pour que dans le riya, pour qu'on le voit faire du bien. Donc on pense de lui qu'il fait du bien, alors, et donc il est vu. Alors que dans son cœur, évidemment, il y a le problème de cette intention que Cheikh al-Fawzan a dit ici. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي قل للناس. قل, c'est un impératif ici, et cela s'adresse au prophète عليه الصلاة والسلام et Allah عز وجل. Donc dit au prophète عليه الصلاة والسلام, dit, قل, c'est-à-dire dit aux gens, قل للناس. أنا بشر مثلكم أي في البشرية ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. أنا بشر مثلكم, je suis en fait un être humain comme vous, c'est-à-dire comme vous en termes d'humanité. Et donc je n'ai aucune part ni dans la seigneurie ni dans la divinité. أنما إلهكم إله واحد, أي معبودكم بحق الذي أدعوكم إلى عبادته معبود واحد لا شريك له. أكم السلام عليكم الله. أنما إلهكم إله واحد. Que votre Dieu est un Dieu unique. C'est-à-dire le seul endroit que vous l'adoriez. Et celui que je vous appelle à adorer seul, en droit d'être adoré sans associé. D'accord ? Je vous rappelle que l'afd al-jalal Allah, c'est une contraction de quoi ? Al-ilah. Hein? Et le verbe ouliha yu'lahu, c'est-à-dire ubida yu'badu. Là, c'est le fait d'être adoré. Al-ma'louh. Donc al-ma'louh bihaq, al-ma'adboud bihaq, c'est qui ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Encore un terme, yarju liqa'a rabbih, toujours dans le verset de sourate al-kahf, ay yakhafu al-masira ilayhi wa yatma'u bi ru'yatihi yawm al-qiyamah. Donc yarju liqa'a rabbih, il espère rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire il craint le retour vers lui et espère le voir le jour de la résurrection. 'Amalan saliha. 'Amalan saliha. Des actions, une action vertueuse, ici on va traduire par le pluriel, des actions vertueuses. Et là on va faire un point là-dessus, inshallah. Mais qu'est-ce qu'il explique, Charles Fouazan, ici? Il dit Huwa ma kana muwafiqan li shar'illah maqsoudan bihi wajhahu. Yani ay wajhallah. Donc il dit, Charles Fouazan, hafidahullah ta'ala, c'est quoi l'action vertueuse? C'est ce qui est conforme à la législation d'Allah, tout en cherchant sa face à lui, subhanahu wa ta'ala. Je rappelle que le fait de chercher la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur l'Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il expliquait cela en disant, c'est le fait d'être sincère dans l'adoration. Ça va? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Le mot qui est muafiqan, et puis ensuite il a dit, maqsoudan bihi wajhahu. Ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il attire l'attention sur ce qu'on appelle sharta qabulil ibadati. D'accord? En arabe, on dit, c'est un duel, on dit shartani, deux chartes, shartani, mais le nom, elle était mahdoufa, pourquoi? Parce que c'est une idafa, c'est une affixation. D'accord? Donc, comme ça. Donc, c'est sharta qaboulil ibada. Mais c'est deux, hein, c'est deux chartes. Donc, les deux conditions nécessaires pour l'acceptation d'un acte d'adoration. D'accord? Quelles sont ces deux conditions? Les ulama, ils disent, الإخلاص والمتابعة وبيسي الموك اللي تزيد الشيخ الموافقة موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى c'est-à-dire que l'action elle soit sincère et qu'elle soit conforme. Alors j'ai voulu vous rapporter un bénéfice qui est rapporté dans certains livres par rapport à un tafsir d'une ayah ou de deux ayahs. C'est le tafsir de surat Mulk verset 2 et les mêmes mots se retrouvent dans surat Hud verset 7. Hein? Et Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit, rahimahullah, au sujet de la parole dont la traduction du sens est. Et ça, c'est les versets de Surat Mulk 2 et Surat Hud 7. Afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il dit, rahimahullah, Al-Fudayl ibn Iyad, le meilleur en œuvre. Ahsanu amala. D'ailleurs, d'autres salafs ont dit, ils ont fait remarquer qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit aktharu amala. Il n'a pas dit aktharu amala, le plus d'action. Mais il a dit ahsanu amala. Et donc, il dit le meilleur en œuvre, ahsanuhu. Il a dit comme ça, le Fudayl ibn Iyad, ahsanuhu ay, retenez ça, ahsanuhu ay, akhlasuhu wa aswabuhu. Hein? Akhlasuhu wa aswabuhu. Ça vient d'ikhlas. C'est ici une forme qu'on appelle en français un superlatif. Akhlasuhu, le plus sincère. Hein? Et aswabuhu, le plus conforme du mot sawab en arabe. D'accord? Donc akhlasuhu wa aswabuhu. Il a dit donc ahsanuhu ay akhlasuhu wa aswabuhu. Il lui fut dit alors Ya Aba Ali, c'est sa kunya, Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Quelles sont les plus sincères et les plus conformes des œuvres? C'est ça que ça veut dire. Il répondit, alayhi rahmatullah, l'œuvre, lorsqu'elle est sincère pour Allah, l'amalu idha kana khalisan lillah azza wa jal, wa lam yakun sawaba, Hein? Si l'action ou l'œuvre, lorsqu'elle est sincère pour Allah, mais elle n'est pas conforme, elle n'est pas acceptée. Lam yuqbal, il a dit. Il a dit, et si, lorsqu'elle est conforme, وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُقْبَلْ. Il a dit, et si c'est conforme, mais ce n'est pas sincère pour Allah, eh bien, l'action, l'œuvre, elle n'est pas acceptée. Et il a dit, حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا. Jusqu'à ce que cela soit sincère pour Allah et conforme. Et puis, il va définir c'est quoi خَالِص et c'est quoi صَوَاب. Et il dit, رَحْمَهُ اللَّهُ. Et ce qui est sincère, est-ce qu'il est pour Allah seul? Ma kana lillah. Et ce qui est conforme, ce qui est sawab, il a dit, ma kana ala sunnah. C'est ce qui est conforme à la sunnah, c'est ce qui est sur la sunnah. Ça, c'est un tafsir, un verset avec le tafsir que rapportent souvent les ulama lorsqu'ils expliquent les deux conditions de l'acceptation de tout type, de toute adoration, de tout acte d'adoration. Obligé, il doit y avoir ces deux conditions. Vous avez compris dans la part de Fadl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, comme ça, que il a bien montré dans son explication que même si l'un se retrouve et que l'autre n'est pas, c'est pas accepté. Donc c'est pas suffisant d'être sincère pour Allah Azza wa Jal. Il faut en plus que ce soit conforme. Et c'est pas suffisant d'être conforme. Il faut en plus que ce soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à la conformité, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais je vous recommande de revenir à l'explication de l'Arba'a Nawiyya de Cheikh Al-Uthaymeen, où il explique 6 points par rapport à la conformité de chaque action. D'accord? On continue. Donc j'ai fini ce point-là. Et on a dit donc, « عَمَلًا صَالِحًا هُوَمَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ مَقْصُودًا بِهِ وَجْهَهُ » C'est-à-dire, ce qui est conforme à la législation d'Allah, tout en cherchant sa face à lui, c'est-à-dire en étant sincère, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. Et donc, أي لَا يُرَائِي لَا يُرَائِي بِعَمَلِهِ. Qu'il n'associe pas dans son adoration à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'ostentation dans son action. أَحَدًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفِي. Ça, c'est important de connaître ce genre de usul et de qawa'id, parce qu'en lisant les textes, on peut arriver à les comprendre. Ici, le texte, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, La yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Alors ici, Cheikh, il dit une règle, et je vais vous la traduire, notez-la, essayez de la retenir en arabe, c'est important. Nakiratun fi siyaqin nafi fata'um. C'est-à-dire que Nakira, c'est quoi Nakira en français? C'est un indéterminé. D'accord? Et il est où l'indéterminé ici? Ahadan. Ahadan, c'est un indéterminé, c'est un indéfini si vous voulez en français. D'accord? Contrairement au défini, c'est quand il y a un alif lam. Pour vous donner un exemple beaucoup plus facile, peut-être pour vous comprendre, pour les frères qui n'ont pas fait beaucoup d'arabe, c'est par exemple Baboun et Al-Babou. Baboun, c'est Nakira. Et El Babou, c'est Ma'rifa. C'est ça, c'est juste pour au niveau de la langue arabe ici. Maintenant, dans le texte ici, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Fala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Donc, ahada, c'est à la fin ici, il y a un akira, il y a un indéfini. Et une règle chez le ulama qui dit que quand il y a un indéfini dans le fil, fisiyak, dans le fil d'un nafi, d'une négation, ou d'un nahi aussi, d'une interdiction, eh bien, yufidu l'umum. Sa valeur de généralité. Et donc c'est pour ça ici que ça veut dire que on a traduit ça en disant comment? On n'a pas dit qu'il n'associe pas dans son adoration à son Seigneur. C'est pas suffisant ça en français. Il faut dire en fait qu'il n'associe rien, quoi que ce soit, dans son adoration à son Seigneur. D'accord? C'est important de connaître ces règles-là. C'est important. Ensuite, Cheikh, il dit, justement, il dit, Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du verset. Et on va traduire d'abord avant ça. Ahadan, on a dit donc, on traduit ça en disant comment? Aucun autre. et ce qui que ce soit. Le sens général du verset, le surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yukhbira an-nasa annahu basharun mithluhum fil bashariyati laysa lahum min ar-rububiyyati wal uluhiyyati shay. Changez ici, majan damma, c'est une kasra. Uluhiyyati. Wa innama muhimmatuhu iblaghu ma yuhihi Allah ilayhi wa ahammu ma uhiya ilayhi an al-ma'buda haqqan ma'budun wahid huwa Allah la yajuzu an yushraka ma'ahu ahadun fil ibadah. ولا بد من المصير إليه في يوم القيامة كما سمعت الله فالذي يرجو النجاة في هذا اليوم من عذاب الله يستعد له بالعمل الخالص من الشرك الموافق لما شرعه الله سبحانه وتعالى. Ici le sens général de ce verset, Allah le Très-Haut informe son prophète عليه الصلاة والسلام ordonne à son prophète عليه الصلاة والسلام d'informer les gens qu'il est un être humain comme eux en termes d'humanité, c'est-à-dire qu'il est un être humain parmi les autres. Et qu'il n'a aucune part ni dans la seigneurie, en Rububiya, ni dans la divinité, al-Uluhiya. Mais que son rôle n'est que de transmettre ce qui lui a été révélé. Et c'est quoi le plus important de ce qui lui a été révélé? Le plus important de cette révélation, si vous voulez, c'est quoi? Eh bien, c'est que le seul endroit d'être adoré est unique. Est une divinité unique. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est interdit de lui associer qui que ce soit, et d'ailleurs en français aussi, et quoi que ce soit, dans l'adoration, et qu'on va tous de manière obligatoire retourner vers lui subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, qu'Allah nous facilite. Et donc que celui qui espère être sauvé du châtiment d'Allah, en ce jour, s'y prépare au moyen des actions. Regardez l'adjectif qui arrive après. Pas n'importe quelle action. Des actions sincères, apurées de toute association. Et conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Le rapport entre le verset et le chapitre. Munasabatul ayat lilbab. Ou le caractère opportun de citer ce verset dans ce chapitre. Anna fiha al-amra bi-ikhlas al-amali min al-shirki alladhi minhu al-riya. Le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il y a dans ce verset l'ordre d'apurer l'œuvre, l'action, de toute association à Allah dont fait partie l'ostentation. Ensuite, les enseignements, les fawa'id tirés de ce verset, ma yustafadu min al-aya. Awalan, anna asl ad-dini huwa ifradu Allah bil-ibada. Le fondement de la religion est de vouer l'adoration à Allah de manière exclusive. Ici, certains traduisent par Ifradullah, d'unifier Allah. Moi, j'aime pas trop ce terme-là. Même si je l'ai un peu utilisé dans le passé, j'ai arrêté de l'utiliser parce que unifier, j'aime pas trop ce terme-là. Il est un peu ambigu en français. Hein? Mais ici, ce qu'on veut dire, c'est que de vouer de manière exclusive l'adoration à Allah, subhanahu wa ta'ala, seul et uniquement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième enseignement, anna riya ashirk. Que l'ostentation est une association à Allah. Thalithan. أن الشرك الواقع من المشركين هو الشرك في العبادة. L'association à Allah qui émane de la part des polythéistes est l'association à Allah dans l'adoration. رابعا quatrièmement أنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد لا من الأصنام ولا من الأنبياء والصالحين ولا غيرهم. Il est interdit d'adorer qui que ce soit avec Allah parmi les idoles ou les prophètes ou les vertueux ou autres. On continue dans le chapitre. Et Cheikh al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala il dit wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu marfou'a. On a expliqué qu'on a dit marfou', c'est-à-dire que le compagnon il dit que c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala, et donc c'est ce qu'on appelle un hadith qudsi, c'est-à-dire que vous avez ici un compagnon qui rapporte la parole du prophète alayhi salam, qui rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirka. Rawahu Muslim. Alors l'auteur qui est cher l'islam, Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, et d'après Abu Huraira, qu'à l'allégré qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah le Très-Haut a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque fait une action dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse, lui ainsi que son association. Et le hadith est rapporté par Muslim et Ahmed et Ibn Majah et Ibn Khuzaymah. Cheikh Al-Fawzan explique les termes. Ana aghna ash-shuraka 'ani ash-shirk. Aghna ash-shuraka 'ani ash-shirk. أي عن مشاركة أحد وعن عمل فيه شرك. أنا أغنى الشركاء يعني الشرك. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. C'est-à-dire d'être associé à qui que ce soit et de toute action comportant de l'association. أشرك معي فيه غيري أي قصد بعمله غيري من المخلوقين. Dans laquelle il m'associe autre que moi. Ici c'est toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici on l'a traduite évidemment. C'est-à-dire que dans son action, il a voulu autre que moi parmi les gens. C'est-à-dire autre qu'Allah parmi les gens. Taraktuhu wa shirkah. Ay, lam aqbal amalahu, bal atrukuhu lidhalika al-ghayr. Taraktuhu wa shirkah, je le délaisse lui ainsi que son association. C'est-à-dire, je n'accepte pas son action. Comme on a dit, parce que shirk muhbitun lil-amal, que le shirk, l'association, annule l'adoration, wa li'adu billah. Mais de plus, je la laisse à cet autre auquel il m'a associé. Ma'na al-hadith ijmala, le sens général du hadith. Yarwi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'an Rabbi 'azza wa jall, wa huwa ma yusamma bil hadith al-hadith al-qudsi, annahu yatabarra' min al-'amal alladhi dakhalahu musharakatun li ahadin bi riya'in aw ghayrihi, li'annahu subhanahu la yaqbalu illa ma kana khalisan li wajhihi. Le sens général du hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam rapporte de son Seigneur exalté soit-il, et c'est ce qui est appelé un hadith Qudsi, qu'il désavoue toute œuvre dans laquelle il y a de l'association à lui, que ce soit en termes d'ostentation ou autre, car il n'accepte que ce qui est sincère pour sa face. Alors il est intéressant, les ulama ont parlé de ça, pour les frères qui n'ont pas beaucoup lu sur le hadith Qudsi, de lire la définition du hadith Qudsi, et c'est quoi la différence entre le hadith Qudsi et la parole d'Allah qui est le Coran. Les ulama ont parlé de ça. Une des différences, c'est quoi? C'est que Hadith Qudsi, on ne peut pas réciter une tilawa comme on récite le Coran, par exemple. C'est une des différences. Donc, on a dit quoi ici? On a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte de son Seigneur exalté soit-il, et c'est ce qui est appelé un Hadith Qudsi, qu'il désavoue toute œuvre dans laquelle il y a de l'association à lui, que ce soit en termes d'ostentation ou autre, car il n'accepte que ce qui est sincère pour sa face, subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد وبمناسبة ذكره في الباب. Quel est le caractère opportun de citer ce hadith dans ce chapitre? Bien sûr, الفوزان il dit أنه يدل على عدم قبول العمل الذي داخله رياء أو غيره من أنواع الشرك. Le caractère opportun de citer ce hadith dans ce chapitre est qu'il indique la non-acceptation des œuvres, le rejet des œuvres, dans lesquelles il y a de l'ostentation qui s'y est mélangée. Ou autre parmi les genres d'association à Allah. Maintenant, les enseignements tirés de ce hadith, ma yustafadu minh, awwalan, at-tahdhiru min ash-shirk bi jami'i ashkalihi, annahu mani'un min qabul al-'amal. Les enseignements tirés de ce hadith, le premier, c'est la mise en garde contre l'association à Allah sous toutes ses formes. Et l'association à Allah empêche, c'est une barrière, mani', l'acceptation des œuvres. ثانياً وجوب إخلاص العمل لله من جميع شوائب الشرك. L'obligation d'apurer les œuvres pour Allah de tout résidu d'association à Allah. ثالثاً وصف الله بالغنى. C'est-à-dire l'affirmation à Allah de l'attribut de غنى. Et c'est quoi? En français qu'on peut traduire de manière très approximative par la suffisance. Mais évidemment de la manière qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Parce que dans le hadith ici, la parole d'Allah c'est Ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk. Quatrièmement, wasfullah bil kalam. L'affirmation à Allah de l'attribut de parole. Et c'est la croyance d'Ahl Sunna al Jama'a, c'est l'affirmation à Allah de l'attribut de la parole dans la manière qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Dernière partie de ce chapitre. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا encore مرفوعا c'est-à-dire qu'il rapporte il dit que c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل vous avez vu le verbe ici يرى qui se retrouve quelque part dans le verbe رأى d'avoir ce riya. Parce que ra'a, ça veut dire quoi? De voir. D'accord? On va traduire ça dans un instant, inchallah. Et ce hadith est rapporté par Ahmed. Donc, quel est le hadith rapporté par Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala? D'après Abu Sa'id, Kalalagri, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne vous informerai-je pas de ce que je crains pour vous encore plus que le faux Messie, le Messie Dajjal? Ils répondirent: certes oui. Vous connaissez la fitna, on a déjà parlé de la fitna du Messie Dajjal. Cheikh al-Fawzan, il va l'appeler le fitna al-Udma, la plus grande épreuve. Et regardez ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam: ne vous informerai-je pas de ce que je crains pour vous encore plus que le faux Messie? Ils répondirent: certes oui, ô messager d'Allah. Il dit, alayhi salatu wassalam, l'association à Allah cachée, al-shirk al-khafi. Un homme se lève, et puis le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué c'est quoi al-shirk al-khafi. Il a dit: un homme se lève et prie, mais enjolive sa prière lorsqu'il voit que l'homme l'observe, ou qu'un homme l'observe. Il est rapporté par Ahmed, et d'abord par Ibn Majah et par Ahmed dans le Musnad. Alors ici, Cheikh al-Fawzan explique les termes akhwafu, af'alu tafdil, ay ashaddu khawfan. Akhwafu, c'est ce qu'on appelle en arabe ala wazn af'al, c'est-à-dire que c'est sur la balance ou de af'al, parce que vous savez que les ulama en langue arabe, ils ont une manière très intelligente pour la structure des mots, de les comparer avec fa et a et la. D'accord? Ça, c'est vous, si vous voulez un peu étudier ça, c'est au niveau du ilm sarf qu'on appelle ça. C'est-à-dire la structure des mots. Alors que la grammaire, elle s'attache à la fin des mots. Et le changement de la fin des mots dans le cadre de l'interaction les uns des autres avec les autres dans une phrase grammaticale. Tandis que le sarf, c'est plus ce qui concerne quoi? La structure du mot. Et donc, ici, regardez, vous pouvez l'entendre, même pour les frères qui n'ont jamais fait de salaf, akhwaf, ça sonne comme af'al. D'accord? Et c'est af'al, c'est une des manières d'exprimer le comparatif. D'accord? Ou quelque chose qui est plus que. D'accord? Ou bien en français aussi, on dit le superlatif, le plus. C'est pour ça que vous dites Allahu Akbaru. D'accord? Ici, Akbar, c'est sur le wazn de quoi? Af'al. Donc, ici, le cheikh dit, « Ay ashaddu khawfan ». Ce que je crains le plus, ici, c'est un superlatif ou un comparatif pour dire le plus en termes de crainte, de peur, ce que je crains le plus pour vous. « Akhwafu ma akhafu alaykum ». Et donc, ici, il a dit, « Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi mina ». Donc, il a comparé ici, c'est un comparatif. Et donc, Cheikh al-Fawzan explique, il continue en disant Al-Masih. Ça, c'est important de faire un point là-dessus aussi. Al-Masih en arabe. En français, on traduit ça par le Messie. Et ici, il dit, il parle du Masih Dajjal. Ici, le Masih Dajjal, le faux Messie. Ce que certains appellent aussi en français l'Antichrist. Sahibul fitnatil udma. Summiya Masih li'anna 'aynahu mamsouha. Ou li'annahu yamsahu l'arda et yaqta'uha bisura. Je vais traduire, puis je vais rapporter le faïda de Cheikh al-Uthaymeen après, Inch'Allah. C'est quoi le Messie? Le Messie. Mais j'attire votre attention encore une fois sur la limite de la langue française. Celui qui sera la plus grande épreuve, le fitna al-Udma, si c'est un superlatif, la plus grande, al-Udma, il est appelé Messie en arabe, Messie en français, Messie, car son œil est même souha. Et ça, Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, il explique ça dans Al-Qawl al-Mufid, à la Kitab al-Tawhid, qui est, comme Cheikh Souhaimi et d'autres mashikhs le disent, un des meilleurs shurahat de la Kitab al-Tawhid. Un des plus complets en tout cas, si pas le plus complet. Si je me souviens bien, il fait plus ou moins 1200 pages. Et c'est en deux volumes, et c'est vraiment quelque chose à lire. Al-Qawl al-Mufid, à la Kitab al-Tawhid, est très facile à lire. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fawaïd dans ce genre de Kitab al-Tawhid. Cheikh al-Uthaymeen dit, il y a le Messie Dajjal, et il y a le Messie Ibn Maryam. Isa alayhi salam. Messie et Messie. Et Cheikh al-Uthaymeen, il rapporte une faïda. Il dit le Messie, Ibn Maryam, ala wazn Masih. Parce que Isa, le fils de Marie, والسلام, il passait sa main, yamsah, et les gens guérissaient avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez le mot masaha? D'accord? Tandis que le Messie Dajjal, c'est à la wazn mamsouh. Donc le premier, c'est comme si c'est quelqu'un qui est un fa'il, qui fait l'action. Masih, fa'il. Et le mamsouh, c'est à la wazn maf'oul, celui qui subit l'action. Parce que son œil est effacé. D'accord? C'est une faïda que je voulais rapporter sur le Athimi dans Sharh Kitab al-Tawhid. Justement, sur le Fawzan ici, il dit car son œil est mamsouh, essuyé, effacé. Ou, une autre explication que les ulama ont donnée, ça veut dire quoi? Il traverse la terre rapidement. On continue. Ad-Dajjal, kathir ou Dajjal, ayy al-Kadib. Encore une fois, si vous voulez encore du sarf, Dajjal, c'est sur le voisin de quoi? Fa'al. Et fa'al en arabe, c'est pour indiquer quelque chose qui est beaucoup. Al-Mubalagha fi shay. Et donc quand on dit Dajjal, ça vient de l'arabe Dajjal, qui est le mensonge, mais c'est qu'un grand menteur. Un imposteur, on dit même en français. Tellement que son mensonge est grand et multiple. D'accord? Donc vous voyez l'importance, encore une fois, d'apprendre la langue arabe. On continue. Donc je répète cela, Dajjal, c'est-à-dire celui qui a beaucoup de Dajjal, de mensonges, d'imposture. Ash-shirk al-khafi. C'est quoi shirk al-khafi? Semmahu khafiyan lianna sahiba yudhiru anna amalahu lillah wa huwa fil batin qad qasada bihi ghayrah. A'udhu billahi min dhalik. Ash-shirk al-khafi, l'association à Allah qui est cachée, qui est khafiya. Il l'a appelé caché alayhi salatu wassalam car celui qui la commet montre en apparence que son œuvre est pour Allah, alors qu'en fait dans son fort intérieur, il a autre que Allah, il a autre que lui pour intention. يزين صلاته يحسنها ويطيلها ونحو ذلك. C'est quoi يزين صلاته? Il enjolive sa prière. Eh bien, c'est qu'il l'améliore et l'allonge, etc. Pour que le voient les gens, pour que les gens le voient faire cela. Ils disent, ah, Foulan, il prie bien. Et donc, il a le riya. Parce qu'il a voulu que les gens le voient. Il n'a pas fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للحديث. كان الصحابة يتذاكرون فتنة المسيح الدجال ويتخوفون منها. Du verbe تخوف, qu'on peut traduire par appréhender, redouter. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هناك محظورا يخاف عليهم أشد من خوف فتنة الدجال وهو الشرك في النية والقصد الذي لا يظهر للناس. ثم فسره عليه الصلاة والسلام بتحسين العمل الذي يبتغى به وجه الله من أجل رؤية الناس. Le sens général du hadith. Les compagnons discutaient de l'épreuve du faux messie et l'appréhendaient. Le prophète عليه الصلاة والسلام les informa alors qu'il y avait un danger qu'ils craignaient pour eux encore plus qu'ils ne craignaient la fitna du Dajjal, du faux messie. Et ce danger est l'association à Allah dans l'intention qui n'apparaît pas aux gens. Puis il leur expliqua par le fait d'enjoliver l'œuvre par laquelle on cherche la face d'Allah et ce en raison des gens qui observent. Maintenant, on avait discuté dans des cours précédents du fait de commencer la base de son adoration directement parce que pour les gens et le fait de celui qui fait une adoration parce qu'il prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qu'on appelle un riya tari', c'est-à-dire que pendant qu'il prie, il y a riya qui lui arrive. Et là, il y a différents ahkam, etc. par rapport à ça. Évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire directement? C'est repousser ça, évidemment, directement. Il y a des discussions très intéressantes des ulama, notamment sur la thémine, sur le fait que celui qui prend, il a pris, par exemple, dhuhr 3 raka'a pour Allah Azzawajal, et la quatrième, par exemple, il y a le riya qui rentre. Qu'est-ce que ça fait sur le reste? Vous voyez le danger, hein? Évidemment, on n'a pas le temps dans ce genre de cours, ça, mais allez, pour vous, je dis toujours, je vous ouvre des portes. Pourquoi? Pour que vous alliez voir vous-même et que vous voyez qu'il y a des discussions, etc. Et ça a beaucoup de fawa'id, ça. Parmi les fawa'id, c'est déjà d'aller voir dans les livres. Il ne faut pas avoir peur des livres. Pour revenir aux ulama, évidemment, dans la compréhension des livres, il ne faut pas avoir peur des livres. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs, ils ont peur des livres. Ça, c'est shaitan, ça. Oh, là, c'est trop compliqué, hein, tu comprends pas. Non, il faut oser, il faut chercher. Chacun à son niveau, bien sûr, mais il faut. Surtout quand on fait des choses dans un cadre d'un cours comme ça, vous expliquez tout à l'heure les 6 points sur l'Athémine qu'il a cité. Arba'a Nawiyya, tout le monde peut. Si tu lis un peu l'arabe, tu peux lire Arba'a Nawiyya sur l'Athémine, c'est pas difficile. Et tu vas voir les 6 points dans lesquels il doit être conforme. Pour le hajj, ça doit être le temps, zaman. Par exemple, ça doit être aussi un endroit, contrairement à ceux qui font le hajj au Sénégal, par exemple. Hein? C'est vrai ou pas? Hein? Et ça doit être un temps. Donc ça doit être un endroit, le makan, etc. Donc il rapporte 6 points comme c'est sur la fémine. C'est bien, allez voir ça. Maintenant, quand on vous parle de sarf, essayez de faire des livres de sarf qui sont pour les débutants, comme l'Emet l'Af'al, par exemple. C'est un poème qui s'appelle l'Emet l'Af'al, et qui est expliqué par exemple par Cheikh Kouni et d'autres mashayikh, etc. Qui est un poème sur l'af'al, et qui est sur sarf. Ici, on a parlé de quoi? On a parlé de. Pourquoi j'ai dit ça? Allez voir. De quoi je parlais ici? Voir si vous suivez. Hein? Par exemple, regardez, voir dans le livre de fiqh. Hein? Allez voir la discussion de Cheikh Al-Uthaymeen. Ou dans, par exemple, dans certaines fatawas de Cheikh Al-Uthaymeen. Ou d'autres. Et c'est comme ça que. Donc, c'est ça que je parlais tout à l'heure, c'est les fawa'id, c'est déjà d'apprendre les livres, d'apprendre c'est qui les ulama, d'apprendre les livres. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs, ils ne connaissent pas beaucoup les livres parce qu'ils ne lisent pas. Connaissez les livres, en lisant les livres, dans les livres, on apprend des nouveaux noms de shuyukh. Parce que, comme les ulama disent, les gens du rappel, ce sont eux ceux qui nomment les gens du rappel. Combien de shuyukh on a connus via d'autres shuyukh, c'est vrai ou pas? On ne peut pas les connaître comme ça. C'est parce qu'un shuyukh en parle, un shuyukh le cite, etc. Et aussi parce qu'on connaît des explications de ces livres-là. Souvent, quand on a un matn, un texte, les ulama citent les différents shuruhat, les différentes explications de ce matn. D'accord? Beaucoup de fawa'id, il faut lire. Il faut lire. Et surtout, je répète ça, à cette époque-ci où on est dans la fitna des réseaux sociaux et des téléphones portables, hein, comme Cheikh Mohamed Ben Hadi l'a dit à Abu Lahsa, hein, c'est parce que yani, tu fais comme ça, comme si tu lâchais, tu vois? Contrairement à Abu Tamsa, qui est l'autre que tu appuies, là, les anciens boutons. D'accord? Donc, et c'est vrai parce qu'on est dans une culture, analysez ça, dans une culture de la lecture rapide, même je dirais de la lecture en diagonale. À tel point que même dans mon travail ou autre, etc., je souvent attire l'attention sur le fait que des gens lisent mal des contrats, ils lisent mal des textes qu'on envoie, etc., parce qu'on n'est plus dans une culture de lire dans le détail. Les gens, ils lisent vite en diagonale comme ça. Et ça, c'est dangereux dans le dîn, très dangereux. Il y a un bénéfice, bien sûr. Comme Cheikh Mohamed Mazmoul, il dit que les majalis de WhatsApp, les groupes de WhatsApp, c'est comme des majalis. Donc ça va en fonction du hukm. Si c'est un majlis de futilité, eh ben ça va être la futilité. Si c'est un majlis de moudakara lillah azza wa jal, ça va être un majlis de moudakara lillah azza wa jal. Mais ça reste limité. Et c'est des fawaïd qui passent, etc. qu'on met. Et c'est pas là-dessus qu'on va baser en anglais, le core, le fondement de l'apprentissage de la religion. Ça, tu dois faire dans l'aqida, ou sous le talata, ou l'arba, ou sous le sita, et tu montes, kitab tawhid, kishubuha, etc. Tu dois suivre cette ordre-là, tu dois lire ces livres-là, tu dois écouter les audios des mashayikh, etc. Dans le fiqh, la même chose, dans le hadith, la même chose. C'est comme ça que tu vas te construire. Évidemment, il y a une faïda. Tu es là à la maison, alhamdoulilah, il y a qu'un frère ou une soeur pour les soeurs qui envoie une faïda, machin, c'est un rappel, c'est bien. Ou bien un audio, un lien, un dars, quelque chose, c'est bien, c'est pas un bien. Mais il ne faut pas baser son apprentissage de la religion là-dessus. Il y en a, malheureusement, qui n'apprennent la religion que sur Twitter. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou sur Facebook ou autre. C'est pas possible. Et ça, c'est dans le cas où ils prennent un peu comme ça des fawaïd à droite à gauche des mashayikh. Mais encore pire quand ils prennent des fawaïd à droite à gauche en français. Parce que souvent, moi je le vois, des fois on peut pas toujours réagir évidemment, mais souvent je le vois, il y a des fatwas qui sont sortis complètement de leur contexte. Complètement de leur contexte. Qui sont mal traduites souvent. Donc il faut apprendre à avoir cette culture des lectures et les livres, comme disait Cheikh Al-Albani, rahimahullah. ils vont jamais te quitter, c'est toi qui vas les quitter. Un ami, il peut te quitter. Mais les livres, ils ne te quittent jamais. Il faut passer du temps avec les livres. Il faut en faire ses compagnons. Le livre, il est là. Il ne faut pas avoir peur d'acheter des livres. Il ne faut pas avoir peur d'avoir une maktaba à la maison. Un frère salafi qui attache à la sunna ou une sœur salafia, il devra avoir un minimum de livres à la maison, au moins des bases. On demande à Allah Azzawajal qui donne le tawfiq pour l'apprentissage de la religion, qu'il nous fasse aimer la lecture, le fait d'écouter nos ulama et aussi la mise en application de cette science qu'on peut acquérir. On continue ici. Donc on était arrivé où? On a passé le Messie, non? Munasabatu dhikr al-hadith fil bab. Le rapport, le caractère opportun de citer ce hadith dans le chapitre. Cheikh Al-Fawzan il dit anna fihi at-tahdhira min ar-riya' wa fihi tafsiruh. Le caractère opportun de citer ce hadith dans le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la mise en garde contre l'ostentation et il y a dans ce hadith l'explication de l'ostentation. Ma yustafadu min al-hadith, les enseignements tirés de ce hadith, on termine par ça inchallah, il y en a trois. Awalan fi al-hadith shafaqatu 'alayhi salatu wa salam 'ala ummatihi wa nus'uhu lahum. Il y a dans ce hadith la sollicitude, shafaqa, qu'on peut traduire aussi par compassion, la sollicitude du prophète alayhi salatu wassalam envers sa communauté, ainsi que son conseil pour eux. Ar-riya, an ar-riya akhwafu 'ala as-salihin min fitnati ad-dajjal. Ar-riya, l'ostentation est encore plus à craindre pour les vertueux que l'épreuve du Dajjal, faux messie. Thalithan al-hadaru min ar-riya min ash-shirki 'umuman. Prendre garde à l'ostentation et à l'association à Allah en général. Et avec la suite, on termine. Et yani, pour les frères qui ne connaissent pas la langue arabe, il ne faut pas qu'ils prennent ce que je dis de mauvaise manière, yani, qu'ils se sentent un peu mis à l'écart ou quoi. Pas du tout, pas du tout. On a tous dû apprendre un jour ou l'autre et on apprend tous encore. On demande à Allah Azzawajal qu'il fasse qu'on apprenne jusqu'à notre mort. Il yani, n'y a personne qui peut se dire ça y est, moi j'ai fini. Ou... Il n'y a pas ça, ça qui se passe. Jusque le maqbara, comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah, jusqu'au cimetière. Donc le fait de ne pas connaître la langue arabe, c'est pas grave. Il faut, ce qui est grave, c'est de ne pas apprendre. C'est de ne pas apprendre. Et d'ailleurs, tout le monde est né ignorant. Il faut savoir ça. C'est juste ou pas? Même les plus grands savants que vous pouvez avoir en tête, ils sont nés ignorants. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed a dit « Antanouya raf'a al-jahli an-naf, c'est quoi an-ghayrik ?» C'est ça l'anya dans talab l'ilm, c'est que tu te retires, « Antanouya raf'a », c'est comme si tu élèves, tu es dans cet état d'ignorance, et tu élèves de toi, ou tu sors de toi, ou tu tires de toi si tu veux, ou tu t'élèves, toi, par rapport à cet état d'ignorance. Et autrui, toi et autrui. Parce que le but aussi, c'est à un moment, c'est quand on s'illumine, c'est d'illuminer les gens autour de soi. D'accord ? Donc c'est très très important d'apprendre la langue arabe. Après ça vient vite, c'est pas un problème. Il faut apprendre. Il faut pas se sentir les 15 ans, on parle de livres en arabe, moi comment je vais faire, etc. etc. On dit pas ça pour dénigrer ou autre. Chacun à son niveau, etc. Mais il faut un moment ou un autre. Et d'ailleurs dans la langue arabe, les frères que j'ai vus, qui ont appris, je parle de convertis qui sont arrivés de le kofre et qui sont convertis à l'islam et qui, alhamdoulilah, ont pris le manhaj salafi. Et qui, donc eux à la base, ils ont aucune connexion avec la langue arabe. Contrairement à des Maghrébins qui ont au moins le dialecte ou autre, etc. Hein? Ou à des gens du Moyen-Orient, etc., qui parlent déjà un langage qui est comme assez proche, en tout cas, ou autres qui ont appris à l'école, qui ont pris le Fosha, etc. Mais alhamdoulilah, tous ceux que j'ai vus qui ont appris, c'est qu'ils avaient ce fait d'aller voir et de lire et d'étudier les livres de la langue arabe. Ils avaient toujours un calepin sur eux où ils posaient toujours des questions, ils notaient toujours des expressions, ils notaient des mots de vocabulaire, etc. Et ils demandaient des livres de grammaire, etc. Moi, je me rappelle d'un cas de deux frères de Belgique, deux Maghrébins, mais qui ne connaissaient pas la langue arabe, qui sont nés en Belgique. Un, il est venu Haddadi, je ne sais pas quoi, et l'autre, alhamdoulilah, toujours salafi, il a fait la hijra. Ils ont été voir Cheikh Rabi'a, hafidahullah. Et celui qui est toujours salafi, je le connais, il m'a dit, m'a dit, Cheikh Rabi, et directement, il leur a fait une nasiha, directement. Il a dit, ta'allamou l'ughal arabiya. Il a vu qu'ils étaient faibles en langue arabe, ils n'arrivaient pas à s'exprimer, etc. Il a dit, apprenez la langue arabe. Il a dit, ansahoukoum bin nahw al-wadih. Vous connaissez ce livre? C'est une méthode en grammaire qui est très très bien. Al-nahw al-wadih. Et elle a même été publiée. Comment ça marche, nahw al-wadih? Enfin, vous me corrigez si je me trompe, ça fait longtemps que je n'ai pas été dedans, mais nahw al-wadih, c'est, en général, c'est des exemples. Puis il y a comme une explication, comme si c'est un professeur qui t'explique. Et puis il y a la règle qui est extraite. Et puis il y a des exercices. Et maintenant il y a même des éditions où il y a le corrigé des exercices. Il n'y a plus d'excuses, quoi. C'est fait pour toi, pour corriger. Tu fais des exercices et à la fin tu peux te corriger toi-même. Et Nahw al-Wadih, il est en plusieurs tomes, il est en plusieurs niveaux. Et c'est vraiment bien parce que c'est très très bien expliqué. Il y a des règles très faciles à retenir. Voilà, tu dis le mubtada, c'est quoi? Ismu marfu'un, tabtadi ubil jumla. Voilà, tu l'étudies, après des années encore, tu t'en rappelles. C'est quoi le khabar? Yikawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Hop, t'ahfad mubtada al khabar, tu l'as avis, ça, le mubtada al khabar. Tu n'as pas l'étudié 20 fois. Hein? D'accord? Et donc, c'est bien parce que c'est bien expliqué, c'est bien fait, il y a des bons extraits. Et Cheikh Rabi, elle l'a conseillé. C'est pour ça que je vous dis ça aussi. Ça, c'est un livre, par exemple, que vous pouvez acheter très facilement. Ça ne coûte pas grand chose. Et il y a beaucoup de fawa'id dedans. Il y a aussi, par exemple, l'Ajroumiya que vous connaissez. Il y a le Sharh de Cheikh Al-Uthaymeen. Beaucoup d'explications qui ont été. Mais une des meilleures, c'est celle de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Il y a d'autres explications, notamment qui ont été publiées ou qui ont été enregistrées en audio par des mashayikh, notamment Cheikh Al-Kouni, hafidahullah ta'ala. Après, Nissan, il peut monter dans la langue arabe. Le principal, peut-être une méthode qui peut bien marcher pour les francophones. Ou les non-arabophones, on va dire, c'est les niveaux de Médine. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les niveaux de grammaire, il y a d'autres livres qui vont avec. Et je voudrais attirer votre attention aussi, c'est que les frères qui apprennent la langue arabe, essayez d'apprendre à écrire, de faire ce qu'on appelle un peu de khat. Je connais pas mal de frères, machin, qui ont un bon niveau, mais certains qui enseignent et qui ont un khat, c'est une catastrophe. On voit encore que c'est des francophones dans le khat. Vous comprenez? Contrairement à quelqu'un qui a vraiment appris la langue arabe, etc. Après, en arabe, chacun a notre écriture. Chacun, même comme en français, on a chacun notre écriture. Dershan Albani disait que son prof en Syrie disait que toi, t'écris comme un bâtard. T'écris comme la femelle du canard. Hein, t'écris mal. Hein? Donc, Annie, c'est d'apprendre à écrire bien la langue arabe, etc. Et ça, Cheikh Abdel Boukhari, c'est une nasiha qu'il a fait aux frères d'ici quand ils étaient en Omra. Quand il a vu les questions écrites, il a dit Ikhwa ta'allamou l'khat. Il a dit apprenez la. Ce qu'on peut nous appeler la calligraphie, mais ce n'est pas vraiment la calligraphie. C'est l'art de bien écrire les lettres en langue arabe. D'accord? Vous pouvez apprendre par exemple un khat qui est très courant, c'est al-raqa. Je vous avais entendu parler de ça. Et il y a des livres pour les enfants et pour les adultes que vous pouvez acheter. Et c'est le khat al-raqa, c'est un genre de khat, par exemple comme ça ici. Par exemple pour le kha ici, comme ça. Et après, ensuite, tu t'entraînes, il y a même. Je suppose sur Internet, c'est très facile de trouver des vidéos où il y a des gens qui sont doués là-dedans, etc., qui peuvent te montrer vraiment comment faire, etc. Mais c'est important de faire. Je vous l'écrirai après, Inch'Allah. C'est important de faire du khat. Ok. Et comme ça, Alhamdoulilah, l'insan, il a. Comme Cheikh Al-Uthaymeen en grammaire, si tu ne veux pas être un spécialiste, si tu fais l'Azroumiya et si tu fais l'Alfiya, yakfik. Ça suffit. Tu connais l'Alfiya bien, tu connais l'Azroumiya, tu as fait avant, tu as fait l'Alfiya, ça te suffit. Il a dit, et ce qu'il y a dans Qatar Nada, tu n'es pas obligé de passer par Qatar Nada, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit. Parce que de toute façon, tout est repris dans l'Alfiya. Après, tu fais un peu de sarf, tu fais un peu de balara. Cheikh Al-Uthaymeen a un très bon livre qui s'appelle Dorus sur le balara. Il a des audios qu'il avait fait sur le balara. Il y a un très bon livre aussi que je vous conseille qui est Al-Balara Al-Wadiha. Al-Balara Al-Wadiha. Alors qu'on ne va pas parler trop longtemps de tout ça, mais c'est juste pour vous motiver à apprendre la langue arabe et ne pas avoir peur d'aller dans les livres. Et quel plaisir quand on peut lire Cheikh Al-Albani en arabe. Quand on peut lire les livres de hadith, toutes les fawaïdes qu'il ramène, etc. Quand on peut lire Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Uthaymeen, comment il s'étend dans les matières. Et on voit sa profondeur dans la langue arabe, dans le balara, dans tous les sciences de la langue arabe d'ailleurs. Dans le fiqh, quand tu lis Kitab Tawhid, il donne des fawaïdes dans tout. Quand tu lis un livre de fiqh, il donne des fawaïdes dans tout. Et dans le tafsir, dans usul fiqh, et dans le hadith, etc. Et ça, je parle que des contemporains. Jazakumullahu khairan, wallahu alam, wa subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.